Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Bonjour, bienvenue donc dans cette semaine Viva, un nouveau rendez-vous. On va prendre le temps de s'arrêter sur quelques événements qui ont fait l'actualité cette semaine. Alors s'arrêter, c'est se poser des questions, les poser à des personnes concernées qui peuvent apporter un éclairage différent, complémentaire ou peut-être à ce que vous avez pu lire, entendre au quotidien, dans les journaux, un peu partout. Et le maître mot de ce rendez-vous, ça pourrait être concrètement, Christophe Grandjean. Oui, on pourrait dire ça, effectivement. On va essayer d'être le plus limpide possible en donnant des exemples, en répondant aux questions que tout le monde se pose et auxquelles on n'a pas l'occasion de répondre nécessairement dans le journal pendant la semaine. Donc on va prendre le temps et tout cela sans se prendre la tête. Ah, surtout. Apprendre sans se prendre la tête, ça pourrait être notre slogan. Ça pourrait être, ça pourrait. Alors trois questions. Cette semaine, il y a évidemment les élections américaines qui font la une. Elles approchent à grands pas et cette semaine, Hillary Clinton a vacillé suite à un malaise qui a fait couler beaucoup d'encre. Comment peut-on retrouver l'équilibre et une position forte politiquement quand on a chancelé malgré soi, finalement? Pour en parler, puisque concret c'était le mot qu'on utilisait, on va discuter avec Olivier Mingue, un président de Défi qui a été confronté l'année dernière, au mois d'avril, je pense, à des soucis de santé. Il nous dira comment il a géré la crise et comment il a communiqué sur son état. Le procès Westphal a commencé cette semaine, jeudi, avec la composition du jury. Comment compose-t-on un jury d'une cour d'assises? Nous vous l'expliquerons. Et comment ça se passe quand on est choisi pour être juré? Un ancien juré du procès Dutroux viendra nous parler de son expérience. Et puis parce que les pandas quand même, Christophe, c'est trop mignon, les pandas. Mais oui, c'est mignon. Hein, on ira faire un tour du côté de Péridaïsa pour savoir quel sera l'avenir du bébé panda qui a un nom. Vous le connaissez? Trésor du ciel. Ouais, Tian Bao, c'est voilà. Le nom du panda. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce panda? Bon, on verra ça tout à l'heure avec la porte-parole de Péridaïsa et puis Tom Salbette. Bonjour Régine, bonjour Christophe. Vous allez être notre télescope sur les réseaux sociaux par rapport au sujet dont on va parler. Rien ne va vous échapper. Rien. Exact. J'ai scruté le web et j'ai noté tous les petits tweets qui sont sortis par rapport au sujet dont on va parler. Et puis tout à l'heure, on aura Ophélie Fontana qui nous rejoindra avec une image de la semaine et les Paralympiques avec les belles médailles qu'on a décrochées. Elle viendra nous en parler d'ici un petit quart d'heure. On commence avec la rétrospective de cette semaine, une rétrospective tout en son concoctée pour vous par Christophe Grandjean. Cette semaine, c'est la semaine de tous les coups. Les trois coups d'une tragédie au palais de justice de Mons. Cette tragédie de la Toussaint 2013 dans un hôtel d'Ostende. Le titre, coup de sang ou coup de déprime. Bernard Westphal est accusé d'avoir tué Véronique Piroton, mais il prétend que sa femme s'est suicidée. Et à son arrivée au palais de justice, c'est un coup de gueule que pousse l'ancien député. Comment voulez-vous être serein après une telle boucherie médiatique? Je suis meurtri par ce que j'ai lu sur moi ces derniers jours. Sur l'homme que je suis, c'est insupportable à vivre. En cas de coup dur, quoi de mieux qu'un coup de main? Coup de main solidaire des ouvriers français de Caterpillar Grenoble. Ils font le déplacement en Belgique pour soutenir leurs camarades de Gosselies qui vont perdre leur travail. On a le même boulot, on a les mêmes uniformes, on se comprend quoi. Ça nous fait mal au cœur de voir leur usine fermée. Hein. On sait qu'il y a des familles derrière, donc voilà, et on l'a connu, on sait ce que c'est, les licenciements. Un coup de téléphone sur CNN. C'est Hillary Clinton en ligne. Je vais bien, dit la candidate démocrate à la Maison Blanche après son malaise. J'ai juste voulu en faire trop. Ou comment transformer un coup de mou en coup de com'. Au pays de Cap 48, le palmarès des Jeux Paralympiques de Rio vaut bien un coup de chapeau. Une pluie de médailles pour nos athlètes. Autant de coups de maître qui ont force d'exemple quand en Belgique, un simple coup de chaleur nous paraît parfois insurmontable. Viens mon pandipanda, je t'ai préparé une bonne soupe de bambou. Et tu bois du lait, comme les enfants. Un coup de bambou à Péridaïsa, le bébé panda a désormais un nom, Trésor du ciel. En VO, ça donne... Tiens-pao. Et puis, il y a le coup de génie de la direction de Vivacité. Le coup d'envoi d'une nouvelle émission sur l'actualité. La semaine Viva. Oui, merci madame. Et je sens qu'avec Régine, on va faire... les 400 coups. Mais quel joli coup de plume, Christophe Grandjean. C'est pas de la promesse, ça, les 400 coups. Bah oui, et ça va. Bah, moi, j'espère qu'on va faire les 400 coups. Ça fait remonter l'enfance, comme ça, Chantal Goya, les 400 coups. La promesse, c'est surtout d'avoir Chantal Goya dans la tête toute la journée aussi. Ça, on est désolé pour ceux qui nous écoutent, mais finalement, c'est bien aussi. Hein. Vous en avez parlé dans votre rétrospective. Christophe, le procès en assises de Bernard Westphal débute lundi. Et la constitution du jury a eu lieu cette semaine. Accusé, levez-vous. Vous y êtes, messieurs ? Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupables. Qui vote non coupable ? Un seul. Merci. Alors, vous croyez qu'il est innocent ? Je n'en sais rien. Accusé, levez-vous. Quelques extraits du film 12 hommes en colère, film américain de ciné Lumet en 1957 avec Henry Fonda. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est exceptionnel. C'est un huis clos. C'est un jury d'assises qui délibère et il faut envoyer un jeune homme à la chaise électrique ou pas. Henry Fonda a un doute. Il va essayer de faire valoir ce doute. Je vous le conseille si vous aimez ce genre d'atmosphère. Et Tom, puisqu'on parle du procès Westphal, on va peut-être pas voir beaucoup de choses en direct sur les réseaux sociaux à propos de ce procès. Hein. Ben non, en fait, le premier tweet qui a retenu mon attention, je vais vous le lire, c'est un tweet de Julien Balboni qui nous dit qu'au procès de Bernard Westphal, interdiction de smartphone et laptop dans la salle d'audience. Donc en fait, j'ai appelé le SPF Justice pour en savoir un petit peu plus. Et apparemment, c'est pas systématique, mais dans ce cas-ci, le juge a décidé qu'on ne pourrait pas apporter de smartphone ni de laptop sur place. Donc on n'aura pas de tweets provenant de la salle du procès. Par contre, évidemment, il y a des tweets un peu plus sur le traitement médiatique de l'affaire qui ont déjà circulé, comme un tweet de Clémentine qui nous dit déjà qu'on en parle trop, alors que ça n'a pas encore vraiment commencé. On n'a pas encore des masses de réactions. Merci aux médias qui en parlent trop. Et c'est du béton qui dit carrément qu'il y a un certain parti pris de certains médias qui est assez sidérant. Régis. Oui, on a entendu des choses comme ça hein, sur le fait que les médias avaient déjà fait le procès avant le procès. Christophe, il y a eu pas mal de critiques. Dans oui, ce sens. Ça dépend un peu évidemment des informations dont disposent les médias avant le procès, parce que les deux parties parfois font fuiter certaines informations, certaines pièces de dossier. Le plus important, c'est quand on a l'acte d'accusation complet. Et là, maintenant, on a l'acte d'accusation complet qu'on a déjà pu lire cette semaine pour préparer ce procès. Et là, c'est vraiment les éléments concrets du dossier. Christophe, on va parler d'un jury d'assises, hein, de manière plus générale, parce que n'importe qui peut être appelé à siéger dans un jury d'assises. Enfin, n'importe qui peut-être pas tout à fait. Ouais, c'est vrai. Comment choisit-on les membres d'un jury ? Complètement au hasard. Donc, c'est par tirage au sort. Mais effectivement, suivant quand même quelques règles, on tire... dans le registre des électeurs, on tire des personnes entre 28 et 65 ans qui doivent savoir lire et écrire et qui n'ont subi aucune condamnation pénale de plus de 4 mois de prison ou de plus de 60 heures de travail. Ah, donc on peut quand même siéger avec un casier finalement. Pour les petites peines apparemment, pour les donc petites peines, on oui. peut. Et puis alors il y a les personnes qui sont totalement exclues, les membres des parlements, les magistrats par exemple, les militaires en service et puis aussi les ministres d'un culte reconnu, donc pas de curé, pas d'imam, pas de pasteur et pas de rabbin. Et quand on exclut toutes ces personnes, comment choisit-on les jurés pour un procès en particulier alors ? Ben donc par tirage au sort. Un double tirage en réalité. Un peu la loterie quoi. Oui, d'abord un tirage avant le procès. On tire là au moins 60 personnes, mais en général beaucoup plus. Par exemple, pour le procès Westphal, jeudi, 200 personnes étaient convoquées au départ. Et puis le premier jour du procès, nouveau tirage au sort pour ne garder là que 12 jurés effectifs et quelques suppléants pour remplacer par exemple un juré qui tomberait malade. Est-ce qu'on peut dire non ? On peut essayer, en tout cas. Le premier jour du procès, les personnes convoquées pour faire partie du jury sont appelées une à une devant le président de la cour d'assises. Et à ce moment-là, on peut faire valoir, par exemple, une raison médicale, familiale ou professionnelle. On peut invoquer aussi des convictions personnelles. Mais c'est le président qui décide et qui ne doit pas justifier sa décision. Mais si on dit non, moi, j'ai pas envie, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, c'est pas suffisant, alors. C'est le président qui décide. Si on est suffisamment convaincant, par exemple, par rapport à ses convictions personnelles, peut-être que le président va dire, bon, d'accord, rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'on fait si on est juré sur un procès qui peut durer longtemps, qu'est-ce qu'on fait pour le boulot ? Pour le Comment boulot, on continue à être payé, on continue, si on est salarié, à percevoir son salaire. Si on est indépendant, on a plus ou moins la proportion de ce qu'on gagne d'habitude. Et puis on a une indemnité supplémentaire aussi pendant le procès. On est nourri et on est logé si nécessaire. Vous saviez tout ça, Tom ? Pas du tout, j'apprends plein de choses. On apprend plein de choses, c'est le but de cette émission. On vous l'avait promis. Hein. Et oui, dans un instant, on parlera concrètement de la position de juré d'assises avec Philippe Hébette qui a siégé en tant que juré lors du procès Dutroux, c'était en 2004. On écoutera son témoignage dans un instant.

Et quand le jury est composé, le président de la cour d'assises vous explique un petit peu le rôle que vous allez devoir tenir, c'est ça ? Oui, tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce oui. qu'il explique ? La durée prévue, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir aucun contact pendant le procès avec les différentes parties, par exemple. Mm-hmm. On ne peut pas commencer à s'exprimer devant les médias et des choses comme ça. Disons. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer, des éléments d'enquête qui n'ont jamais été peut-être clairement diffusés, mais que peut-être vous avez eu ou pas ? C'est-à-dire qu'on a eu des séances au huis clos, donc forcément, tout ce qu'on a vu et entendu là, on ne peut pas le divulguer, même maintenant, disons. Alors, psychologiquement, Philippe, c'est quand même un procès lourd. Hein. C'était quand même, c'est une affaire qui a traumatisé la Belgique et qui continue aujourd'hui encore à secouer pas mal de monde, à juste titre d'ailleurs. Psychologiquement, comment est-ce qu'on tient face à tant d'horreur et face à quelque chose d'aussi lourd ? Je dirais qu'il faut savoir faire la part des choses et quand on rentre chez soi, essayer de prendre du recul. Et voilà, et j'ai eu la chance de savoir faire ça, et ça ne m'a pas perturbé, ça ne m'a pas suivi outre mesure, ça ne m'a pas empêché de dormir, je n'ai pas fait de cauchemar. Est-ce qu'il y a eu des moments, malgré tout, un peu compliqués, un peu plus pénibles pendant le procès ? Je me souviens être sorti quelques fois de la séance où on était quand même fortement, je dirais, perturbé. Je me souviens d'un enquêteur nous a lu une lettre de Sabine Dardenne en fin de séance. Et généralement, quand la séance était terminée, on avait une pièce où on pouvait un petit peu se distraire. On était donc 12 jurés effectifs et 12 suppléants. Ce jour-là, personne ne riait, pas un mot, tellement on avait été estomaqué, choqué d'entendre cette lettre lue par un des enquêteurs. Malgré l'horreur des faits, est-ce qu'on a des doutes ? Est-ce qu'on se met dans la tête des accusés parfois pour essayer de peut-être mieux les comprendre ? Bon, oui. Pour Marc Dutroux, les faits étaient assez clairs, mais par exemple, le rôle de Michel Martin n'était pas tout à fait déterminé au début du procès. Je suis tout à fait d'accord, mais le fait de participer au débat, de suivre tout, on avait toute une documentation chez nous qu'on a pu consulter pendant les jours où on a dû répondre aux questions, on avait tout sous la main, on a été consulté des choses, des documents, et disons que ça a permis quand même d'aider, de se faire bien sûr une... On a vite compris, disons, comment ce qu'elle a joué, comment on dit, comme rôle, disons, dans toute cette histoire, disons. Le moment le plus difficile, c'est la délibération. Je dirais le moment le plus difficile, non, pas spécialement pour moi. Le moment le plus difficile, je vous dis, c'est les séances en huis clos qu'on a eues, c'était vraiment extrêmement dur. On a vu des choses, il y en a des choses vraiment tout à fait horribles. Ce sont ces choses-là qui m'ont le plus marqué, disons. Au niveau délibération, évidemment, sur un procès comme celui-là, je pense que peut-être les choses étaient assez faciles, quoi. Il n'y a peut-être pas eu trop de discussions. Quand même, si, je dois dire qu'on avait une manière de procéder, on discutait sur chaque question, même s'il y avait des choses qui étaient évidentes, mais chacun avait droit à sa parole pour chaque question. Bien sûr, si on avait rien à dire, on passait sous lourd, mais généralement, chacun avait quelque chose à dire. Alors vous disiez, moi j'ai toujours voulu participer à un procès d'assises. Qu'avez-vous envie de dire justement aux membres du jury du procès Westphal qui commence ce lundi ? Je pense que c'est une expérience vraiment exceptionnelle. Et s'il y a moyen d'eux, je pense qu'il faut donner un peu de son temps, disons, pour participer à ce genre, à ces procès-là. Est-ce que vous avez eu l'impression de remplir un rôle de citoyen, de faire votre devoir en faisant ça ? Tout à fait, bien sûr, oui. Et donc, si c'était à refaire ? Ah, je suis toujours partant, aucun souci. Aucun souci pour ça, oui. Merci, Philippe Hébette, pour ce témoignage. Je vous en prie. Vous avez été juré donc, au procès Dutroux en 2004. Jusqu'à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. L'actualité, c'est aussi beaucoup d'images et chaque semaine, Ophélie Fontana nous rejoint pour l'image de la semaine. Bonjour Ophélie. Bonjour. Salut Ophélie. Vous allez être le pont entre la radio et la télévision. Oui. Et aussi ce qu'on voit sur Internet, hein, parce que les images, ça circule partout aujourd'hui. Chaque semaine, vous allez pointer une image et c'est une belle image cette semaine que vous nous apportez. Ben, j'ai choisi de mettre en avant toutes les belles images qu'on voit effectivement des Jeux paralympiques qui se déroulent à Rio depuis quelques jours. Voilà, parce que je trouve que ce sont des images complètement bluffantes, encore plus bluffantes que ce qu'on peut déjà voir avec les sportifs qui ne souffrent de aucun handicap. Et voilà, c'est aussi une manière de pouvoir mettre à l'honneur tout ce que ces sportifs exceptionnels font en ce moment et qu'on a l'occasion de voir enfin dans les médias. Ça fait longtemps que ça existe, ces Jeux paralympiques ? En fait, les premiers sont nés en 1960 à Rome, donc c'est la 15e édition ici. Il n'y en a pas eu à chaque fois. c'est pas au même rythme forcément que les autres Olympiades. Ça se passe exactement de la même manière que les autres Jeux. Donc ici, on se retrouve à Rio, exactement dans les mêmes installations, si ce n'est que ça s'adresse aux sportifs qui souffrent de handicaps physiques, visuels et mentaux. Et pour vous dire quand même l'évolution de ces Jeux paralympiques, c'est que donc quand il y a eu la première édition en 1960 à Rome, il y avait 23 pays seulement et 400 athlètes. Et aujourd'hui, en 2016, on en est à 176 pays et 4350 athlètes. Ouais, c'est de plus en plus médiatisé aussi. Hein, voilà, c'est vrai que c'est parti pratiquement de rien. Et cette année, c'est ça que je disais tout à l'heure, enfin, on a l'occasion de voir des images parce que c'est vrai que l'RTBF en particulier, puisque c'est le média qui nous occupe ici, n'avait jamais autant mis en avant ces sportifs paralympiques. Est-ce qu'en dehors des Jeux Olympiques, on en parle beaucoup de ces athlètes-là dans l'info? Vous qui êtes tous les deux, Christophe, Ophélie, je vous prends tous les deux à témoin. Est-ce que On a déjà, entre guillemets, la chance à l'RTBF avec l'opération Cap 48, c'est vrai parfois d'aborder le côté handicap et sport. C'est vrai que dans le week-end sportif aussi, régulièrement, plus ou moins régulièrement, des sportifs moins valides sont mis en avant. Mais on a envie de dire que c'est pas encore assez. Et c'est vrai qu'il faudrait presque l'institutionnaliser, se dire, chaque semaine, on les met en avant, puisque chaque semaine, on parle bien du championnat de football. Pourquoi on ne pourrait pas chaque semaine parler aussi de ces sportifs paralympiques? Ça prend de l'ampleur, moi, j'ai l'impression, quand même. Parce que là, il y a quand même un petit effet sur les paralympiques de Rio. Oui, hein. C'est vrai qu'en tout cas, jamais l'RTBF n'avait mis autant en avant ces Jeux paralympiques. À Londres, il y avait juste eu un documentaire en fin de paralympique qui faisait une espèce de synthèse de ce qui s'était passé. Mais ici, on est quand même allé beaucoup plus loin. Donc, il y a eu la cérémonie d'ouverture qui a été diffusée. Celle de clôture le sera aussi. Tous les jours, il y a un sujet dans le journal télévisé. Dans la foulée du journal télévisé, il propose Viva Rio le mag. Donc, c'est vraiment une petite synthèse de 10 minutes, un quart d'heure sur ce qui s'est passé. Et en plus, il y a certains événements qui sont vraiment diffusés en direct. Et ça, c'est du jamais vu. Il y a quelques jours, la demi-finale de tennis en chaise avec Joachim Gérard, le Belge, a été diffusée en direct sur la 3. Et ça, c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait jamais fait. Alors, vous avez forcément un coup de cœur, un athlète que vous avez envie de mettre en avant, une image peut-être, Ophélie? Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de sportifs qui sont tellement impressionnants, on a presque envie de tous les mettre en avant, mais si je devais en retenir un, c'est ce pongiste égyptien, donc joueur de tennis de table, il s'appelle Ibrahim Amato, et en fait il n'a pas de bras. Et donc pour jouer au tennis de table, imaginez que sans bras c'est compliqué. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la bouche, donc la raquette est dans sa bouche. Et pour lancer la balle, et donc il joue à pieds nus et il a la balle entre les orteils et il la fait se lever grâce c'est à la incroyable. Force de ses pieds. Cette complètement image est incroyable. Absolument incroyable. Voilà, et même si c'est pas lui qui glane la médaille par son courage, il y a aucun autre sportif dans sa catégorie qui a un tel handicap. Et donc voilà, c'est complètement bluffant. J'ai vu son match quand il a terminé de jouer, il embrasse le sol, il remercie presque le ciel de pouvoir faire ce qu'il fait. Je trouve ça complètement incroyable. Merci Ophélie Fontana d'être passée. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. C'est la semaine Viva jusqu'à 14h. Et dans un instant, on va revenir sur les soucis de santé qui ont ébranlé la candidate démocrate Hillary Clinton cette semaine, avec en prime le témoignage d'Olivier Minguin, président de Défi, qui a lui aussi connu des soucis de santé l'an dernier. Restez avec nous. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Fanny? Oui, monsieur? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Le soir présente le magazine Passion Voiture, spécial SUV. Petit, compact, grand ou prestigieux, zoom détaillé sur tous les SUV, mais aussi le point sur les prototypes et l'évolution du marché. Ce samedi 17 septembre, Passion Voiture, spécial SUV. Un magazine de 92 pages, gratuit avec le soir. Demandez-le à votre libraire. Portes ouvertes spécial hiver au Voyage Léonard à Épinay-Fleurus samedi 17 septembre. Sortie des nouvelles brochures hiver, présence de Jetair, Luxair et MSC, conférences, visites guidées et voyages à gagner. Rendez-vous samedi 17 septembre de 10h à 18h au Voyage Léonard, avenue d'Épinay à Épinay, à deux pas de Charleroi Airport. Bonjour, c'est Philippe Jauniaux. Je vous fixe rendez-vous ce samedi entre 14 et 16h pour une émission spéciale Fête de Wallonie. Nous serons en direct de Liège, La Louvière et Mons, trois villes dans lesquelles Vivacité vous propose des événements et concerts gratuits tout au long du week-end. Les Fêtes de Wallonie, émission spéciale, c'est ce samedi à partir de 14h. Vivacité. 13h, 14h, la semaine Viva. Être une personnalité politique, c'est faire preuve de force et de stabilité. En tout cas, c'est l'image qu'on doit donner pour rassurer les électeurs. Alors, comment communique-t-on quand on est ébranlé en pleine campagne pour la présidentielle des États-Unis par un malaise en public ? Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Ah oui, c'est Hillary Clinton qui a donc chancelé, qui a perdu l'équilibre cette semaine suite à un malaise. Tom, ça le bête, ça a fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux, cette petite affaire. Hein. Bah, évidemment, c'est du pain béni pour les réseaux sociaux, surtout ce genre d'images qui circulent. Les tweeteuses se sont moquées de sa chute, évidemment, fallait s'y attendre. Et puis, ça a fait ressortir et relancer les rumeurs autour de ces pseudo-soucis de santé. Vous savez que les médias conservateurs américains s'interrogent souvent sur les soucis de santé d'Hillary Clinton et tous les prétextes sont bons pour faire remonter des tweets et des rumeurs à ces sujets-là. Alors, il y a d'autres tweets qui ont circulé, comme celui de Pondarkol, qui se pose la question, est-ce que cette image justement ne va pas faire en sorte qu'elle ne soit pas élue? Est-ce que ça ne va pas causer sa perte des images et des rumeurs qui circulent comme c'est ça. Une image qu'elle doit gérer en tout cas. En tout cas, il faut qu'elle gère cette image. Alors il y a des tweets de soutien avec le hashtag Pray for Hillary, un peu ironique, un tout petit peu. Et puis il y a les théories du complot. Et une théorie du complot qui est ressortie depuis quelques jours avec le hashtag Hillary's Body Double, il paraît que depuis son malaise, ce serait une comédienne qui assure toutes ses apparitions publiques. Elle a une doublure, alors preuve à l'appui, évidemment. Ce sont des tweets anglais, donc je ne vais pas vous les lire, mais j'étais un petit peu voir, il y a des tweetos qui font des comparaisons de ses coiffures avant et après le malaise. Apparemment, il y a de subtiles différences. Il y aurait des différences aussi au niveau de sa corpulence. Elle porte des lunettes de soleil, bizarrement, depuis son malaise. Et surtout, preuve irréfutable, Hillary porte des boucles d'oreilles différentes. Personne n'a imaginé qu'elle a pu aller chez le coiffeur, par exemple. Oui, c'est ça. Par exemple, ou qu'elle a une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Ouais. Bref, Twitter s'est encore une fois emballé et toutes les théories du complot sont remontées, Régine. Puis Christophe, on le disait, est-ce que ça va finalement la desservir dans cette campagne? Il y a eu des exemples chez nous de politiques qui communiquent beaucoup sur leur état de santé? Ah, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment un enjeu de la campagne électorale. On échange les bulletins de santé. En Belgique, beaucoup moins, mais on constate quand même un peu plus de transparence quand même au fil des années par rapport à la santé. Bon, d'abord, il y a eu le roi. Hein. Du temps de Baudouin, par exemple, c'était le silence total. Il avait des problèmes cardiaques, personne ne le savait et il en est décédé. On l'a appris au moment de sa mort. Albert II lui communiquait quand même un peu de temps en temps quand il allait se faire soigner à l'hôpital pour un mélanome, par exemple. Donc là, c'est un petit peu bougé du côté du Palais Royal. Il y a eu Marie-Dominique Simonnet aussi, plus récemment. Oui, on en a beaucoup parlé. Hein. Il y a 3 ans, elle était ministre de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a dû quitter son poste pour se soigner. Alors, elle aurait pu dire simplement qu'elle s'en allait pour raison personnelle ou pour raison de santé, mais sans donner de précision. Elle est allée un peu plus loin. Elle a expliqué qu'elle avait un cancer du sein. Et depuis, elle est revenue maintenant et elle est députée. Et puis, il y a eu aussi, oui, le Premier ministre, c'était pas tout à fait lui, c'était son épouse qui a fait une fausse couche. Et là, c'est un petit peu particulier parce que c'était une information, pour tout vous dire, que nous, on savait que la grossesse se passait mal et qu'elle allait sans doute faire une fausse couche. On s'était dit, c'est la vie privée, ce n'est pas le Premier ministre pas. Directement, on n'en parle pas. Et c'est le Premier ministre qui a convoqué certains journalistes pour leur expliquer la situation et sans doute pour expliquer pourquoi il allait s'absenter pendant quelques jours. Alors il y a Marc Goblet de la FGTB, donc on a appris cette semaine qu'il revenait au travail lundi après un congé de maladie. Là aussi, c'est une personnalité. Mais lui, c'est différent en fait. Alors lui, il n'a rien dit du tout. Hein. On voyait qu'il avait l'air malade, il perdait sa voix, il maigrissait. Quand on lui demandait « Vous êtes malade ?», il répondait non, il démentait à chaque fois, jusqu'au moment où il a dû se faire soigner. Et là, c'est par un simple communiqué de son syndicat qu'on a appris qu'il était en incapacité de travail et qu'il s'absentait quelque temps. Et donc, il revient. Et l'absence de communication, ça a des répercussions sur les réseaux sociaux par rapport à Marc Goblet? Ben écoutez, j'ai Twitter sous les yeux. Effectivement, rien du tout sur son compte Twitter. Et à part quelques articles sur le sujet qui sont partagés par les tweetos, ben pas de commentaires, pas d'opinions. Rien du tout. Donc ils ne communiquent pas et les internautes ne communiquent pas, c'est peut-être ça l'explication. Exactement. Dans un instant, on va discuter avec Olivier Minguin qui lui aussi a connu des soucis de santé et qui a communiqué. Le président de Défi nous rejoint en studio pour la Semaine Viva. 13h, 14h, la Semaine Viva. Bonjour Olivier Minguin. Bonjour. J'ai envie de commencer en vous demandant comment vous allez. En pleine forme, la preuve, j'ai repris ma course à pied, mon jogging, c'était un bon signe de Retour à la condition physique. Mieux qu'il y a quelques mois, donc, puisque vous avez eu quelques ennuis de santé. On voulait un petit peu savoir avec vous, comment vous avez communiqué à cette occasion? Est-ce que des informations ont filtré dans la presse et vous avez dû suivre, ou bien vous avez fait la démarche de communiquer de manière spontanée? Il est vrai que j'ai fait 5 séjours en clinique sur 4 mois, donc 50 jours d'hospitalisation à la suite d'une pancréatite aiguë pour cause biliaire. Bah, les gens m'ont vu dans les couloirs de la clinique. Quand on va d'un service à l'autre pour faire scanner ou autre traitement, bah, on croise toujours des gens. Et donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui, m'ayant reconnu, dû donner l'information à un journaliste. Et puis j'ai été appelé. Et j'avoue que je jouais franc jeu parce que ça ne sert à rien de tenter de nier la réalité. Et je donnais l'information quant à la réalité de ma maladie et la cause. Mais j'avoue qu'après ça, je n'ai plus d'autres interrogations de la part des journalistes, sauf plutôt des messages de sympathie, de soutien, en disant « on espère que vous en sortirez bientôt et qu'on aura plaisir de vous retrouver sur une antenne ou l'autre ». Mais vous auriez pu dire « c'est ma vie privée, simplement ». Vous savez, le problème, c'est que tout de suite, la rumeur, et comme bourgmestre aussi, la rumeur, c'était « il cache quelque chose ». Ne rien dire, c'est suspect. Voilà. Et donc la rumeur c'était, il est atteint d'un cancer, vous avez vu, il a tellement maigri, enfin bon, c'est vrai, j'avais pas la grande forme physique, le teint était pâle, voire un peu plus que pâle, donc c'était très vite alarmiste, et j'ai voulu faire la mise au point. Bon, ma maladie a été sérieuse, grave, pouvait entraîner des conséquences vraiment encore plus lourdes que celles que j'ai connues, mais j'ai voulu vraiment dire quelle était la cause de la maladie. Voilà, je crois qu'il fallait être... clair sur les circonstances de ma maladie pour éviter des interprétations erronées, voire malveillantes. Bon, on découvre toujours avec plaisir, parfois sur des réseaux sociaux, « vous savez, c'est tel type de cancer » et on suppute à ce moment-là les délais de survie. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Mais non, bon, voilà. Ça ne doit pas être très agréable. Tiens, les mandats que vous occupez, les fonctions que vous occupez, est-ce qu'à un moment donné, ce genre de choses, on sait que quand on a un couac de santé, un gros couac de santé, pour beaucoup de gens, c'est aussi un signal d'alarme, de se dire « il faut que je lève le pied, il faut que je vive un peu pour moi ». Est-ce que vous avez eu un moment comme ça où vous vous êtes dit « oulala, là là, il faut que je fasse gaffe là, je vais un peu penser à moi ». Oui, ça certainement, pendant la période de mes hospitalisations successives, et puis chaque fois entre les hospitalisations, je tentais de reprendre un peu mes activités, mais j'avais vraiment un état de fatigue générale très important, et donc des limites qui s'imposaient. Donc j'ai vraiment arrêté les activités, je ne dis pas que je ne suivais pas l'actualité politique parce qu'on ne se refait pas, mais franchement, j'ai vraiment levé le pied. Et peut-être qu'aujourd'hui... je dis à mon entourage, voilà, je fais tout ce que je peux selon mes forces, mais il y a des choses que je ne ferai plus. Par exemple, je travaille moins tard le soir parce que, voilà, j'ai plus envie peut-être de dire que toutes les soirées sont sacrifiées à la vie politique et aux obligations qu'elle impose. Mais bon, ceci étant, on se refait peut-être pas tout à fait et très vite les tentations sont là, mais bon. Merci Olivier Minguin d'avoir répondu à nos questions. Et portez-vous bien. Portez-vous bien, bon jogging, bon... Et profitez bien de vos soirées aussi. Voilà, merci. Au revoir. Le samedi, de 13h à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Et oui, et restez bien avec nous, puisque dans un instant, on va faire une petite balade à Peridaisa. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Sophie, ça va? C'est bon la confiture materne sur les doigts? Oui, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? Oui, c'est encore meilleur. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e éco-trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Ce dimanche, sur Vivacité, on ne plaisante pas avec l'humour. Nous recevons ce dimanche matin Bruno et Vincent Taloche. Ouais. Il y a un ami qui m'a donné un truc. Donc entre les frères Dardenne et les frères Taloche, il me dit, il y en a deux qui sont pas très drôles et les deux autres encore moins. Les enfants de cœur, dimanche de 9h à 10h30 sur Vivacité. Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Les garçons, ça vous dit une petite balade à Péridaïsa ? Ah oh oui, on va voir les pandas. On va voir les pandas. Si tu veux de moi, moi, je serai ton mama. Il ne fait pas de mama, un triste panama. Que choisir, puisqu'à 10h se tiendra en sus la conférence de presse annonçant le nom du bébé panda de Péridaïsa. Ah bah c'est vite fait. Oh, quelle gageure cornélienne d'ainsi couvrir tous ces grands sujets internationaux ennuyés. Je vous rappelle que les internautes avaient le choix entre 5 propositions. Tianbao, Xing Ao ou Xing, Huali ou Antoine. Prénom André, sans doute, on ne sait pas. APTT, retiré de la liste, le prénom est Lio, puisque tous les votants lui préféraient systématiquement celui de Raoul. Non, Raoul est de Beau ne doit pas en prendre ombrage, mais le régime chinois a refusé que le petit urcidé soit baptisé du prénom d'un homme encore plus à gauche que. La semaine viva. Eh oui, c'est Tianbao qui a été retenu, extrait du cactus cette semaine de Jérôme de Warzé. Tianbao a été baptisé donc trésor du ciel. Ça a fait aussi beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux aiment beaucoup les pandas, Tom. Ah, les réseaux sociaux adorent deux choses. Ils adorent les enfants qui rigolent et les animaux mignons. Pandas et chats mignons en première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de Tianbao sur Twitter et sur les réseaux sociaux? Écoutez, les réseaux sociaux adorent Tianbao. Alors, il y a Mirella qui dit qu'elle a très envie de lui faire un gros câlin depuis qu'elle a vu les photos. Il y a Princess Pinky, le compte officiel d'un panda du zoo de Washington, s'il vous plaît, ah oui, qui accueille et qui dit « Bienvenue mon petit cousin », plutôt sympathique. Alors, il y a des tweets un petit peu plus moqueurs, comme AA2807 qui n'assume à mon avis pas son tweet en disant qu'elle a voté pour le nom le moins moche. C'est joli pourtant, Tianbao. Tianbao, ouais, c'est joli, c'est joli. C'est tout mignon. Et puis c'est du béton qui dit que Tianbao, si on le dit très vite plusieurs fois, ça fait un peu Étienne Dao. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas quelque faux. Quelque part, essayez un peu. Non, Étienne Dao, Tianbao, Tianbao, Tianbao, Tianbao. C'est un peu oui, ça. À peu près. Des tweets un peu plus polémiques, un peu plus, on va dire, sarcastiques de Serge Fabrice, par exemple, qui dit c'est encore de la pub gratuite pour Péridaïsa, tout ça. Ben, et puis Véronique qui t'appelle en disant mais non, c'est une bonne nouvelle. Pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles à fêter, on va pas regarder à ça. Et nous avons justement Alexandra Widalowski qui est avec nous, porte-parole de Péridaïsa. C'est une fameuse opération de com' pour vous. On entendait les commentaires des internautes. Tout un ramdam avec des personnalités politiques, l'ambassadeur de Chine, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Après, c'est surtout une question de respect envers la Chine, pour qui les pandas est un animal sacré. C'est aussi quelque part pour les remercier de l'honneur qui nous accorde de pouvoir les accueillir. Ils ne le font pas souvent, surtout pas pour des parcs zoologiques privés. Et c'est aussi grâce à eux que ce bébé est là, parce qu'ils nous ont envoyé les experts au bon moment. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on y arrive. Il y avait plein de choses. Ça n'est pas une naissance de bébé panda, c'est quelque chose de très très rare et ça a surtout demandé énormément d'efforts et de la Belgique et de la Chine. Et donc ça nous semble surtout être une question de respect. Dites Alexandra, et de gratitude envers eux. Alors il y a ce respect, cette gratitude, mais est-ce qu'ils sont derrière vous? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce qu'ils suivent vraiment de très près ce qui se passe? Alors les pandas ne nous appartiennent pas, ils sont toujours au centre de reproduction chinois, donc qui effectivement, évidemment, s'intéresse énormément à la santé des pandas, continue à les suivre, on est en contact quasi quotidien avec eux. Donc vous avez une énorme responsabilité. C'est une énorme responsabilité, évidemment, on participe activement en accueillant ces deux pandas au programme de reproduction, donc on s'est engagé à tout faire pour que, un, eux soient bien, en bonne santé, en état de se reproduire, et qu'ils le fassent effectivement pour repeupler cette population de pandas qui était quand même toujours en danger de survie. Quel est l'avenir de ce bébé panda dans quelques années? Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il reste ici en Belgique ou ça c'est complètement exclu? Non, c'est complètement exclu. C'est-à-dire que dans le cadre du programme de reproduction, quand on s'engage à faire en sorte, faire tout ce qui est dans notre pouvoir, parce qu'in fine, en plus de la science, il faut quand même toujours un peu de chance. Donc quand on s'engage à aider le programme de reproduction, on s'engage aussi à restituer le bébé. En l'occurrence, chez nous, ce sera après 4 ans. Après 4 ans. Il y a deux possibilités pour Tianbao. Ou il s'inscrit dans un programme de reproduction, ou alors il est petit à petit relâché en liberté, dans la nature, au Sichuan. C'est une possibilité, ça, vraiment, la remise en liberté. C'est une vraie possibilité, oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire que nous, ici, on va commencer aussi, petit à petit, à prendre de plus en plus de distance. On intervient déjà très, très peu, uniquement pour les soins du matin, parce que la maman s'en occupe à merveille. Et donc, ça dépend aussi un peu de lui. Si lui continue à être aussi indépendant, si sa mère continue à lui apprendre autant de choses comme elle le fait maintenant, ce sera un très très bon candidat pour être petit à petit remis et relâché au Sichuan. Ce serait une belle histoire. Dites-y, les pandas s'en vont. Ça va faire un sacré manque à gagner pour Peredaïsa quand même, non? On a encore le temps. Vous savez, ils sont là pour 15 ans au total. Ça ne fait que 2 ans qu'ils sont ici. Donc on peut pour l'instant surtout profiter de cette chose rare qui est la première naissance d'un bébé panda en Belgique. Merci Alexandra Widalowski, porte-parole de Peredaïsa. Et puis faites-lui un bisou pour nous si vous pouvez l'approcher. Hein. Moi je ne l'approche pas, mais je le ferai de loin. D'accord, merci beaucoup. On arrive déjà presque au terme de cette première semaine Viva. Il y avait beaucoup de choses dans l'actualité, on n'a pas pu parler de tout. Il y avait aussi Caterpillar, Christophe. Oui, Caterpillar qui nous a rappelé qu'il y avait une belle chanson d'Alain Souchon. Ouais. Qui s'intitule comme ça, Caterpillar. Très jolie chanson, c'est beaucoup plus léger que ce qui se passe évidemment. Évidemment. Mais on écoute. Les filles dans nos cœurs font des travaux d'aménagement. Souvent au marteau piqueur et sans ménagement. Si vous voyez dans ma poitrine le chantier, il se peut que par déprime, comme moi vous chantiez. Les baramines pour tout démolir de nos anciens braseros, effacer les souvenirs et repartir à zéro. Les filles dans nos cœurs font leurs grands travaux pour qu'on redevienne enfants de cœur. Alors bulldozer, grosse machine, pelleteuse. Regardez dans ma poitrine le trou qu'elle creuse. Caterpillar, dans la lingerie fine, dans l'eau de Chalimar, les bas. Anciens braseros, effacer les souvenirs et repartir à zéro. Les filles nous font pas peur parce qu'elles sont toutes petites, mais elles nettoient dans nos cœurs à la dynamite. Vous écoutiez la première de la semaine Viva et c'est déjà fini. Tom, Christophe, ça a passé vite. Hein oui, ça a passé vite et on espère que ça vous aura plu. Surtout, on revient la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine et est-ce qu'on peut déjà avoir quelques idées de ce qui va marquer l'actualité la semaine prochaine? Il y a des choses qu'on sait. Il y a bien sûr le procès Westphal qui commence ce lundi. Hein. Il y a eu la constitution du jury. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec la lecture de l'acte d'accusation lundi et puis l'interrogatoire de l'accusé. Et puis, on va suivre aussi ces fameux étudiants reçus collés, hein, ces étudiants en médecine qui ont réussi leurs examens mais qui ne peuvent pas passer en deuxième parce qu'ils ont raté le concours de fin de première année. Enfin, c'est très compliqué. Il y a eu des décisions de justice. Il y en aura encore d'autres cette semaine et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va devoir, à un moment donné, trouver une manœuvre par rapport à ces décisions de justice. Christophe, on vous retrouve lundi matin. Oui, absolument. À 8h pour le journal de 8h et à 6h. Et à 6h. Oui, c'est parce qu'à cette heure-là, en général, je ne vous entends pas. Moi, Christophe, c'est 8h. Et à 6h, évidemment. Et puis, nous, on revient la semaine prochaine. Cette émission est disponible en podcast, donc n'hésitez pas. Merci, Tom Salbette. Je garde un œil sur ma tablette. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies.